découle de notre histoire, un phénomène inquiétant. Je m'en vais vous le conter, il s'appelle Grand Remplacement. Me promenant dans les rues noires de ma ville au désespoir, j'ai compris que c'était trop tard, que je ne serais plus qu'un couffard. Mais une douche franche, seule solution pour notre France. Submergé par toutes ces chances qui franchissent nos frontières. Nos villages, bientôt violés par ces grands sages, et nos enfants en bas âge, pour Mahomet voient les mariés. Douce France, qu'attendons-nous pour la revanche? Douce France, ne leur épargne pas la douleur. Une douche franche, seule solution pour notre France. Souliers usés à cuite 60, qui salissent mes confrères. Nos terres.